je fais la guerre pour lever mon fils. Je manque jamais à l'appel quand c'est le jour de la paix. Moi je fais Booba Remix. Alors qu'est-ce qui se passe dans l'air que je respire? J'ai comme l'impression que quelqu'un souffle martyr. Maintenant je viens de toucher le fond du problème. J'ai trouvé la source de mon regret, de mes dilemmes. Ça fracasse dans mon âme, je suis fragile. C'est une situation compliquée qui à mes yeux défile. Dans la pénombre je suis, je perds mon assurance. J'ai plus confiance en ma capacité et à ma chance. Je cherche la cause de tout sommeil manqué. Ce qui me perturbe lorsque je respire mes regrets, c'est le caractère permanent du mal dans ma tête. C'est fort l'emprise qui veut m'attirer sur la crête, où je compte apposer les marques de mon talent. Même si pour l'instant je pleure plus dans le vent, comme ça personne ne dira que ça vient de moi. Et pour l'heure souffle un air de confiance sur moi. J'ai enfin compris qu'il m'appartient d'être clair avec moi. Rien n'est positif à tirer dans cette situation. C'est devant des jours de Booba pression. J'en ai assez de pas savoir quoi faire. Aujourd'hui je suis clair même si hostile est l'atmosphère. Là en fait je temporise pour y mettre en clair. En ces termes, Zers, de tout regretter. C'est vrai que t'as pas eu de chance, mais faut pas tout jeter sur le compte de ce qui a pas marché. Ça t'appartient de te relever après des coups durs. C'est ainsi qu'on se forge à l'usure. Dans cette optique, rien de dramatique te surprendra. Elle assèche vite tes larmes, qu'est-ce qui te prend là? Ça ne te sert à rien de baisser les bras. Personne ne viendra t'aider si tu lâches prise. En plus, tu ne cesses de regretter d'être en crise. À quoi ça te sert? Ne vois-tu pas ce que tu perds? Rien de concret sur ton carnet de bord. Le désert remplace tes moments de bonheur. Aujourd'hui tu souris face aux gens par obligation. Quand verras-tu que se relever est beau sous pression? C'est l'expression de la force de ton caractère. Je sais que tu m'entends, alors fais pas le fier. Ne fais pas le troubler, c'est pas la peine. Tout présent ici on vit des moments de peine. Mais pour autant ne se plaint pas. C'est que l'on connaît d'où vient notre tracas. Pousse tes forces pour stopper l'hémorragie. Sinon tu n'iras pas loin ainsi. On est pareil donc on peut se comprendre. Arrache l'épine de ton orteil sans attendre. Viens dans mon département, c'est pas facile. Pourquoi l'avoir autrement, le deal est si facile. Moi j'ai fait la guerre pour mon fils. Je lui manque jamais un peu.